Cours numéro 31. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ramadha akhadna fi darsina al-akhir, akhadna babayn. Tfaddal. Anna bab al-riyad. Naam. Wa al-thani. Iradatul insan bi'amalihi dunya. À ces deux abwab, istafadna minhuma madha? Tafaddal. Anna al-amal al-maqbul 'inda Allah 'azza wa jall huwa al-'amal al-khalis. Ay Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte min al-'amal illa al-khalis, que l'œuvre, si elle est vouée exclusivement pour lui, azza wa jal. Hada, c'est l'ikhlas, la sincérité. Ma dalil ala hada, indaman, tawaddal. Naam, wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisin lahuddin. Wa les adillah qu'il a cité Cheikh al-Islam fil bab. تفضل. أحسنت. ولا يشرك في عبادة ربه أحد. فمن كان يرجو لقاء ربه, celui qui veut que ses œuvres elles soient acceptées, rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala en espérant la récompense, فلا بد من الإخلاص في العمل. ومن السنة. تفضل. أنا أغنى الشركاء عن الشرك, هكذا قال عز وجل, فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته والشرك. أي celui qui fait un عمل pour autre que Allah سبحانه وتعالى, même si c'est pour Allah, لكن يشرك بالله عز وجل في نيته, son intention c'est pour Allah et c'est pour un autre, فهذا عمله il est مردود, il est pas accepté عند الله سبحانه وتعالى, تركته والشركة. هذا هو الرياء, أي faire un عمل pour que les autres y voient, أو السمعة, faire un عمل pour que فلان من الناس l'entend, وهذا لا يجوز, لأن العمل c'est pour Allah سبحانه وتعالى وحده. Et on a cité حكم المسألة, حكم هذا الباب, أي est-ce que c'est du shirk أم لا. فعند من, on a cité plusieurs انواع. الاول تفضل. سألنا هذا الباب الشرك اكبر كحل المنافق, لانه نيته ليس لله عز وجل بل لمصلحه. نعم, فالمنافق عمله كله لغير الله, فهذا شرك اكبر. toutes les œuvres du منافق c'est pour autre qu'Allah. بل حصل لهم الرياء في أصل الإيمان. حتى الإيمان, la croyance, c'était du رياء. أي ils ont fait apparaître qu'ils croyaient, وفي الحقيقة لا يؤمنون. هذا لا شك أنه سيد الشرك أكبر, وهذا لا يحصل من مؤمن البتة. ثم on a vu des autres catégories. عندما تفضل. إذا كان العمل لله عز وجل لكن دخل فيه شيء من الرياء, أي il a fait le عمل مثلا من الصلاة, il a débuté pour Allah سبحانه وتعالى, ثم il a vu que un tel il le regarde, فيحسن هذه الصلاة, il l'améliore, وهكذا. هذا c'est من الشرك الأصغر, et c'est très très grave, لأن ça reste du shirk, لكن أصغر, ça ne fait pas sortir de l'islam. كذلك الشيخ سعد il a sorti, il a cité un autre cas. عندما الشخص يعمل في عمله الشخص إذا عمل في قصده يشتم إرادة الناس وإرادة الله هذا الشرك أصغر. نعم. Si ce qui le pousse à faire ce amal, c'est parce qu'un tel il le regarde, et kadhalik c'est l'illah, hada, ça reste du shirk asghar, même si c'est au début, lakin, comme a dit le shirk sa'di, yukhsha, an yatadarra' bihi la shirk al-akbar. Ayyadan billah. Ala kulli hal, al-riya'u, c'est khatirun jiddan. Fali hada, ja'a fil hadith, an nabiya sallallahu alayhi wa sallam, qal, أخوف ما أخاف عليكم عندي أو ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى قال صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس أو من نظر الرجل على كل حال خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة و كما تقدم معنا من كلام أهل العلم قل من ينجو من هذا الشرك أي كثير من الناس سنتوشب هذا المرض عيدا بالله أي دسيسة في القلب مرض في القلب مرض خفي et la gravité c'est que c'est une maladie لكن elle n'est pas apparente elle ne fait pas du mal au corps de l'insan il ne ressent pas de douleur لكن ça fait du mal à son cœur et ça fait descendre l'iman. Et comme قال بعض أهل العلم, ça peut pousser au fur et à mesure il a الشرك الأكبر عيدا بالله. هذا الباب il est مهم. Et كذلك الذي بعده, on les a lu ensemble, il y en a الحكم واحد. وتستفيد من البابين ماذا؟ أو ça nous montre ces deux chapitres أن ce qui pousse l'insan à faire une ibadah, pas que pour Allah. C'est quoi Ad-dafi'? Tu as la réponse dans les deux babs. Ahsant at-tam'u fi dunya. Ce qui pousse l'insan à faire un amal pour autre qu'Allah, imma tam'un fi dunya. Falihada, al-mu'allif rahimahullah, il a cité ce bab, min al-shirk iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Mathalan, il sait que s'il fait telle chose, il pourra gagner de l'argent. On avait cité l'exemple fil ilm. Yatlub l'ilm, c'est une ibad azima, lakin pour quelque chose de dunya. Wa thani, na'am madhu an-nas. Madhu an-nas. Aïe que les gens, ils le félicitent, ils le complimentent, ils l'akhri. Wa li hadha wa adhu an-nas, iadam billah, ils embellissent leur voix quand wahad les voit. Ou quand wahad il est à côté d'eux quand ils font salat. Et s'ils font salat seul, Rubama, ils n'embellissent pas la voix. Enfin, c'est quoi qui les a poussés à embellir la voix? Et le qira'a et l'embellissement de la voix, c'est une ibad. C'est pour qu'un tel minannas, il les complimente ou il les félicite. Iyadam billah. Fal hadar, al-insan il khazard imanu wa ikhlasuhu min hadhihi al-shawa'ib al-khatira jiddan. من يقرأ الباب الأخير من الشرك إرادة الإنسان بعمله تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فالشيخ الإسلام الشيخ محمد بن محمد بن محمد رحمه الله تعالى باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها الآية الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدين تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميرة وعطي رضي ومن لم يقتص حيطة تعيس من تكس وإذا شيك فلن تقش قوب لعبد آخذ بعينان فرسي في سبيل الله أشقط رأس مغبرة قدماه إن كان في حراستي كان في حراستي وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. أحسنت. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وهذا الباب إلى مهم. فالطاعة أي l'obéissance c'est min khasa'isillahi azza wa jal. Ta'a, c'est haqqun lillah. Hatta ce qu'on obéit min dounillahi azza wa jal, fa c'est ta'atan lillah. Ka al-umara wa al-ulama, كذلك الوالدين les parents. فهؤلاء ils ont un حق في الطاعة لكن بالشرط c'est que il n'y a pas de مخالفة. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Et on n'a pas le droit d'obéir à une créature si ça pousse à une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre أن الطاعة c'est un حق لله عز وجل. لهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا cité هذا الباب هنا لأن الطاعة سين عبادة. Celui qui obéit à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala في تحريم ما أحل الله. فالله سبحانه وتعالى il a rendu telle chose halal. فشخص من الأشخاص يحرم, il dit que c'est haram. فالسلوي كي يوبيا هذا الإنسان, أي celui qui rend illicite une chose licite ou licite une chose illicite, celui qui lui obéit في هذا الحال فقد أشرك بالله عز وجل في الطاعة. فلهذا شيخ الإسلام il a cité هذا الباب هنا. Et العلماء il appelle هذا الشرك شرك الطاعة, أي le shirk dans cette adoration à الطاعة. قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص مناسبة ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد لما كانت الطاعة من أنواع العبادة نبه المصنف رحمه الله بهذا الباب على وجوب اختصاص الخالق تبارك وتعالى بها. كثير من أبواب التوحيد التي تقدمت معنا والتي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى c'est pour démontrer l'importance d'une ibadah et la gravité d'associer Allah سبحانه وتعالى dans cette adoration. تقدم معنا هذا في الدعاء وفي الاستغاثة وفي الاستعادة وفي الذبح وفي النذر et beaucoup de عبادات. Donc on revient toujours à notre قاعدة المهمة في التوحيد أن العبادة حق لله عز وجل وحده كما قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه قاعدة في دين الله سمعنا الشهادة. فكنت نقول لا إله إلا الله ça veut dire لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى et personne ne mérite cette adoration. فالشرك ça contredit هذه الشهادة. إما بالكلية si c'est du shirk akbar ça annule la shahada. L'insan عيادن بالله c'est plus un muslim même s'il la prononce tant qu'il délaisse pas هذا الشرك et il doit faire tawba إلى آخره. أو si c'est du shirk asghar comme on a vu dans beaucoup de cas ça fait diminuer إيمان الشخص et son tawhid كذلك يفبلي. هذه الأبواب ces chapitres ils sont très très importants. Avant de lire al-adilla, naqra hukm al-bab. Ay hukm ta'ati ghayrillah aw ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ay le fait d'obéir à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, fa ma huwa al-hukm? Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala hukm ittiba' al-ulama aw al-umara fi tahlil ma harrama Allah aw al-aks. Et c'est quoi le jugement de ceux qui suivent l'ulama ou l'umara, les savants ou les gouverneurs, fi tahlil ma harram Allah. Wala shak anna ulama as-sunnah, ulama at-tawhid, fala yuharrimuna ma ahalla Allah. Wa kadhalika al-aks. La, ils sont pas ma'soum, ça arrive al-khata, lakin min bab al-ijtihad. Et ils sont récompensés pour leur erreur. أما ceux qui rendent halal ما حرم الله أو يرند حرام ما أحل الله سبحانه وتعالى فس علماء الضلال وبعضهم يحرمون ويحللون des choses واضحة في الكتاب في السنة عيادا بالله أكوز de l'égarement فيحصل منهم هذا. أما علماء السنة فالحمد لله على خير قديما وحديثا. Ala Kullihal, Cheikh Ibn Uthaymeen, il va citer plusieurs cas. Et c'est Hukmul Bab, et c'est très très important pour comprendre tous les textes qu'on va lire ensemble. Qala rahmatullah alayhi, fil qawli al-mufid. Awulan, premier cas, an yutabi'ahum fi dhalika radiyan bi qawlihim, muqaddiman lah, sakhitan li hukmillah, fahuwa kafirun li annahu kariha ma anzalallah. Aïe, هذا الانسان, il sait que هذا الحكم, c'est pas le حكم d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il suit ceux qui ont rendu licite une chose illicite, ou l'inverse, radiyan biqawlihim, il est satisfait, il veut هذا, عيادن بالله. Muqaddiman lah, ça prouve que ربما il connaît le حكم. Fait l'islam, que ce soit fait le Coran ou fait le Sunna, que cette chose elle est haram, lakin il fait passer hukm akhar avant. Radiyan biha, il est satisfait, yadam billah. Qala sakhitan li hukmillah. Et il déteste hukm Allah. Azza wa jal. Fahuwa kafir, li annahu kariha ma anzal Allah. Et celui qui déteste une chose, min al Coran ou min al Sunna, la shak fi kufri. Kama taqaddam ma'ana fi nawaqid al-islam. Donc le premier cas, il est clair, وَهَذَا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ لَا يَحْصُلْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَبَدًا. Deuxième cas, أَنْ يُتَابِعَهُمْ, أي ceux qui rendent halal al-haram, ou ils rendent haram al-halal, أي من علماء السوء. أَنْ يُتَابِعَهُمْ فِي ذَلِكَ رَاضِيًا بِحُكْمِ اللَّهِ وَعَالِمًا بِأَنَّهُ أَمْثَلْ وَأَصْلَحْ لِلْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَلَكِنْ لِهَوَى فِي نَفْسِهِ اخْتَارَهُ كأنه يريد وظيفة مثلا. Deuxième cas, أنه il suit cette erreur, il suit cet égarement. مثلا عالم من علماء الضلال, il dit que telle chose c'est halal, alors que في الحقيقة c'est haram. هو il le sait au fond de lui que c'est haram, هذا الإنسان, لكن il suit cette fatwa et il obéit. لماذا قال اولا son حال قال شيخ ابن عثيمين انه il est راضي بحكم الله. Il sait très bien que حكم الله c'est le haq, et il sait très bien que c'est aslah, et c'est meilleur pour l'ibad ou pour le bilad. Il sait les bienfaits il a akhiré, lakin c'est quoi qui le pousse? Al hawa, ses faiblesses, ses passions. Cheikh ibn Uthaymeen il a cité un mithal, قال كانه يريد وظيفه مثلا. Ah, il veut une place pour de l'argent, pour un emploi, pour une responsabilité, et il va obéir et faire ce haram alors qu'il sait que c'est halal, ou l'ex plutôt. Ala kulli hal yukhalif, qala Cheikh Ibn Uthaymeen, fa hadha la yakfur. Naam, la yakfur. Il ne sort pas de l'islam. Hadha c'est un asi. Il a suivi ses passions, il a des faiblesses dans la foi, lakin al ulama ils ne le font pas sortir de l'iman, de l'islam. Limadha? لأنه ما طعن في حكم الله. Il n'a pas critiqué, il ne déteste pas les lois d'Allah, حكم الله, العبادة إلى آخره, لكن ce musulman il a des faiblesses. فهذا لا يكفر ولكنه فاسق وله حكم غيره من العصا. C'est un musulman qui fait des péchés comme d'autres. Et c'est grave, ça fait baisser sa foi إلى آخره, لكن on n'a pas le droit d'exagérer et de le rendre semblable au premier cas. Annahu c'est un kafir. Léanna, le premier que Cheikh Ibn Uthaymeen l'a cité, il déteste l'islam. Il déteste هذا الحكم. Il préfère cet égarement. Il a akhiré. La chakana, anna ce rejet de حكم الله subhanahu wa ta'ala, ou de cette ibada, ou de cette ta'a, la chak, ça montre anna ce cœur fihi kufr. Amma هذا là, son cœur, il n'y a pas du kufr, son cœur, il y a al-hawa, les passions. Et des faiblesses. Et ça, c'est muhim de différencier. Amma wa'd al-juhal min al-khawarij, eux-mêmes, ils suivent leur passion, wa yukaffirun al-muslimin. Et leur takfir, il est basé sur le jahl et les passions. Enfin, ce qu'ils reprochent à certains musulmans d'avoir des faiblesses, de suivre leur passion, de ne pas suivre les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, fahum, ils sont ashad. C'est pour ça que النبي صلى الله عليه وسلم quand il a parlé de al-khawarij, ay alladhina yukaffiruna al-muslimin, ceux qui rendent mécréants les musulmans, il les a comparés قال فيهم كلاب النار les chiens de l'enfer. Et il a démontré Nabi sallallahu alayhi wa sallam annahum sharrun man taht adim as-samaa. Ils font partie des pires créatures, alors que fil usa Nabi sallallahu alayhi wa sallam ma qala hada. Sur ceux qui ont des faiblesses parmi les musulmans, Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a jamais qualifiés avec ces termes. Abadan, ça nous montre an al-mubtadi' khassatan al-khariji la shak anna haluhu il est ashad min al-usa. Et ça, ça nous montre l'importance de revenir à Ahl al-Ilm et de comprendre les textes et de ne pas exagérer. Ha'oula, ils ont voulu défendre Dîn Allah comme ayaz'umoun et haqiqa, ils ont suivi leur passion, tout ça avec ignorance. Fawaqa'u fi al-inhiraf. Ils se sont égarés encore plus que ceux qui font ces péchés. Troisième cas, donc premier cas, c'est du shirk akbar, kufr akbar. Deuxième cas, c'est une ma'asiyya. C'est pas du shirk akbar. Troisième cas, an yutabi'ahum jahilan, fayadhun anna dhalika hukmullah, fayanqasimu ila qismi. Troisième cas, c'est l'ignorant. Mais les deux premiers cas, ils savent. Ils sont à la ilm, ils savent très bien que cette chose, c'est haram. Lakin, ils suivent une fatwa, une rukhsa, la parole d'un savant qui rend halal. Le premier, c'est parce que il déteste Hukmullah, il a akhri, c'est un kafir. Le deuxième, à cause de ses passions, c'est un musulman qui a fait un péché. Troisième cas, il suit cet égarement, lakin par ignorance. Il ne sait pas, il pense que c'est vraiment al-haq. Hada, qala Ibn Taymiyyah, yanqasim ila qismayn. Ce cas, il se divise en deux sous-catégories. Le premier, qala an yumkinahu, ay cet ignorant, an ya'rif al-haq bi nafsih. فهو مفرط أو مقصر فهو آثم لأنه أمر بسؤال أهل العلم. Donc, le premier, أنه, il peut apprendre. الحقيقة, suivez bien, dans cette masala, il ne sait pas. Il ne sait pas, il pense que c'est vraiment le haq, lakin il n'a fait aucun effort pour rechercher la vérité. Et il suit هكذا, aveuglément alors qu'il a les capacités. Fahada, il est athim. Hada, il fait un péché en suivant cette fatwa, en suivant un tel. Limada, l'annahu, il est muqassir. Il peut, il a les capacités, lakin il ne demande pas, il ne recherche pas. Hada, il est excusé, l'annahu, il ne sait pas, lakin, fi nafs al-hal, il n'est pas excusé, limada, l'annahu, il n'a pas fait l'effort de rechercher la vérité. Ça, c'est le premier cas. Donc, il est athim. Il a commis un péché. Deuxième cas, la yakun aliman wa la yumkinuhu at-ta'allum fayutabi'uhum taqlidan wa yadhun anna hadha huwa al-haq. Deuxième cas, annahu il sait pas, c'est un jahil et il a pas la qudra, il a pas les capacités d'apprendre, de demander, il comprend pas ces masail, fa miskin yuqallid hal kathir min al-awam. Fahada qala Cheikh Ibn Uthaymeen wa yadhun anna hadha huwa al-haq. Il est convaincu et il est sincère. Anna, c'est la vérité. Fallait Obama, tu vas lui parler, il va te montrer, te prouver que c'est la vérité pour lui, avec son ignorance et son suivi aveugle. Il va dire, Fulan il a dit, ka annahu c'est le haq. Mitlaha oula, en général, si tu lui montres, ils reviennent. Mitlaha oula, quand tu leur montres, bil adillah, wa bil kalam al hassan, wa bil rifq, avec douceur et avec des preuves, et tu lui parles avec un kalam sahl qui comprend, kathir min haoula, ils reviennent. Et ça prouve leur sincérité. Qala, فهذا لا شيء عليه لأنه فعل ما أمر به وكان معذورا بذلك. هذا il est excusé عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن il a fait son possible. Il suit un tel, il pense que vraiment c'est le haq. Et l'ithm c'est على من أفتاه. L'ithm, c'est celui qui commet un péché, c'est celui qui lui a fait cette fatwa qui est pas fondée sur le Coran ou la Sunna. هذا التفصيل il est مهم. Et on répète ce genre de tafasil que l'ulama, beaucoup ils font, khasatan fi hadhihi al-masail, masail al-tawhid, masail al-iman, masail al-takfir ila akhirah, et on en a cité beaucoup dans beaucoup de abwa. Muhimma, c'est très très important hada. Wa nastafid fa'idatan 'azima, c'est que an-nas ils sont pas tous au même niveau, que ce soit fi ta'a, dans l'obéissance, que ce soit fi al-ilm, dans la science, on n'est pas tous au même niveau. Certains, c'est des savants, certains, c'est des très grands savants, certains, c'est des professeurs, certains, c'est des talabat ilm, certains, c'est des awam, certains, ils ne savent pas lire, pas écrire. وهكذا في الإيمان وهكذا في المعاصي. Il y a des grands péchés. Il y a des péchés qui sont moins grands. Il y a des petits péchés, petits entre guillemets. Il y a des péchés qui font sortir de l'islam, نواقض الإسلام, qui contredisent l'Iman, mais أصله. Il y a des péchés qui diminuent l'Iman. Ça, c'est مهم de connaître cette تفاصيل. حتى الإنسان ne mélange pas. لماذا انحرف من انحرف في هذا الباب؟ Que ce soit الخوارج أو الروافض أو المعتزلة. أو المرجئة الذين انحرفوا في باب الإيمان لأنهم ils ont mélangé فبعضهم يكفر بغير حق وبعضهم العكس ils disent que l'Iman ne descend pas même avec les ذنوب أولا ils ont pris que certains أو que certaines preuves من القرآن والسنة ils ont négligé les autres enfin ils n'ont pas pu comprendre كذلك ils ne sont pas revenus aux savants de la سنة انحرفوا ça nous montre l'importance de revenir au texte. Et quand on dit revenir au texte, c'est le délit, il doit être à sa place et tu prends jami' al-adillah fil bab. Amma les patients, ayyadan billah, comme yaf'al ba'd, ils prennent ce qu'ils veulent min al-adillah et ils rejettent le reste, ou ils prennent qu'une partie, là ça ouvre une porte d'égarement. Kadhalik, revenir à ahlul ilm. Même si on connaît l'adillah, est-ce qu'on a la capacité de comprendre? Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est un imam, التوحيد وفي السنة وهذا التفصيل il est fondé sur des preuves. Il y a des preuves qui montrent que c'est un kafir. Cheikh l'Islam il en a cité. Il y a des preuves qui montrent que c'est pas un kafir, ça reste un mu'min. Il y a des preuves qui montrent qu'il est ma'dour. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مثلا هذا le dernier cas, il sait pas, il fait l'effort, il demande, واحد il lui fait tel fatwa, c'est une erreur. ربما c'est تحليل ما حرم الله أو العكس. Oui, il a fait son effort, il croit vraiment qu'il est à la haq. Hala ma'zour indallah. Si personne lui a montré, et il croit vraiment que c'était ça, il était sincère. Allah subhanahu wa ta'ala, il est karim. Et la preuve, on répète, qui montre la sincérité du dernier cas, annahum si le haq il leur parvient, ils reviennent. Amma celui qui qallad, et quand le haq il lui est parvenu, il revient pas, hala il est marid fi qalbi. Hala il est athim, li'annahu la preuve elle lui est venue, il rejette, et il dit là. Fulan il a dit. Et c'est exactement le chapitre que Cheikh l'Islam il a cité des preuves qu'on va lire ensemble, inshallah ta'ala. هذا الباب il est muhim. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في إعانة المستفيد. Et pour conclure, pour résumer ce tafsir qu'on vient de citer, قال فطاعة العلماء والأمراء في مثل هذا شرك. Et dans notre cas, dans ce bab. C'est pour ça que Cheikh l'Islam il l'a cité. Anna obéir à autre que Allah subhanahu wa ta'ala et autre que Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Que ce soit en suivant un sheikh ou un amir ou un gouverneur ou un tel minan nas, c'est du shirk. Bien sûr, le cas que Cheikh Ibn Uthaymeen il a cité. Qala fi tahlil ma harram Allah ou tahrim ma ahalla Allah. On a des textes qui montrent que telle chose c'est haram. قال الشيخ الفوزان فإن كان الذي أطاعهم يعلم أنهم خالفوا أمر الله في ذلك وتعمد طاعتهم واستباح هذا فتأملوا هذه الشروط. C'est exactement le kalam de Cheikh Ibn Uthaymeen, لكن formulé d'une autre façon. أولا يعلم, ça fait sortir l'ignorant. Et le dernier cas qu'on a cité, il ne sait pas. L'ignorant, il est deux cas. S'il peut apprendre, il ne fait aucun effort. Il a des péchés par rapport à son manque d'effort. S'il a fait tout son possible et il ne peut pas faire d'effort plus que cela, il est excusé. Donc, le shirk, c'est pour celui qui sait. Un mal ignorant, c'est un autre cas. قَالَ يَعْلَمْ أَنَّهُمْ خَالَفُوا أَمْرَ اللَّهِ فِي ذَلِكُ وَتَعَمَّدَ طَاعَتَهُمْ لَكِنْ il s'entête à les suivre dans cette ma'asiyat. وَاسْتَبَاحَ هَذَا et lui-même, il le rend halal. Contrairement à quel cas? On a deux choses. تأمل. On répète le kalam. قال كالذي أطاعهم يعلم أنهم خالفوا أمر الله. هذا تقدم. Il est à la علم, ça fait sortir l'ignorant. قال وتعمد طاعتهم واستباح هذا. Il y a deux choses. Il les suit, الاتباع, et كذلك استباح هذا. تفضل. نعم, c'est quel cas? تفضل. نعم فما هو من هو نعم أحسن كارها له ومستحلا له مستحلا تسقله فاست واستباح أباحه سيلورون برمي لورون حلال هذا صنع كافر أما لكا الذي لا يكفر c'est quoi la différence avec le ce cas que Cheikh Al-Fawzan il a cité أنه شرك أكبر c'est quoi la différence عندك أنه لا يستحل أما le suivi c'est le même فانتبهوا pourquoi بعض الناس ils ont mal compris ce مسائل لأن ils disent فلان il fait cette chose alors que c'est haram c'est واضح que c'est haram il l'a fait بعض الناس من الحركيين المنحرفين ils ont fait une conclusion très très dangereuse ils ont dit si fait c'est qui rend halal وهذا c'est باطل comme من الناس ils font des péchés si tu le demandes il te dit نعم je suis fautif لكن الهوى لكن بعض التكفيريين الخوارج هذا العصر ils ont dit si fait souvent le péché c'est qu'il le rend halal ثم ils ont conclu ماذا c'est un كافر بالله عز وجل لا même s'il le fait souvent le péché tant qu'il ne l'a pas rendu halal, ça reste un musulman. Et nous, on le prend en apparence. S'il reconnaît qu'il a des faiblesses et là, il est stahil ou dalik, pourquoi le rendre kafir? Vous avez compris la différence entre les deux cas et ça sera exactement la même chose dans le bab suivant, qu'on fera ensemble le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, fi al-hukam, qui juge par autre que les lois d'Allah. Celui qui juge l'imada, les anahu, il pense que. Autre que les lois d'Allah, elles sont mieux. Ou elles sont pareilles. Ou c'est permis de juger avec autre que les lois d'Allah, c'est un kafir. Billah Azza wa Jal. Limada, li'annahu ta'nun fi shari'atillahi Azza wa Jal. Il prétend que les lois autres que d'Allah, elles sont mieux. Ou pareilles, ou elles sont permises. Fa fil haqiqa fihi tahlilun lima harram Allah. C'est du shirk akbar, c'est du kufr. Amma si un gouverneur il juge par autre que les lois d'Allah, même s'il juge dans plusieurs masa'il, et يعتقد أنه إلى مقصر أنه إلى مخطئ أن حكم الله إلى أفضل إلى آخر التفصيل كنا في السوم ensemble et qu'on fera dans le درس précédent إن شاء الله تعالى ça reste un مسلم أما الذين يقولون أن si il juge par autre que les lois d'Allah ça montre qu'il est satisfait إلى آخر c'est pas صحيح أبدا c'est ça قول الصواب في هذه المسألة فانتبهوا c'est pour ça que j'ai insisté معكم لأن كم من الشبه sont rentrés في هذا الباب pourquoi l'adam al-tafriq cet aqsim qu'on fait ya ikhwan ça doit être maîtrisé il y a des différences importantes fa ta'ammalu la différence entre les deux premiers cas et le dernier c'est quoi la différence c'est l'ilm les deux premiers ils savent le dernier cas ils savent pas ils sont excusés avec le tafsil qu'on a fait les deux qui savent il y a une différence entre les deux le premier cas, il sait et il déteste les lois d'Allah, il rend permis la chose, pour lui c'est halal, c'est un kafir. Le deuxième, il sait, lakin il suit à cause des faiblesses, des passions, c'est pas un kafir. Fata'ammalu. Quand vous lisez ce genre de taqsim, khasatan fi al-tawhid, un premier cas shirk akbar, deuxième cas shirk asghar, troisième cas c'est une ma'siya, quatrième cas il est excusé. Quand tu as ce genre de taqsim, lis très très bien. Prends des notes. Hatta la yaltabis alayk. Et révise, Inch'Allah, takoun ala khayr. Et pour ceux qui ne peuvent pas prendre de notes, ce taqsim, vous le recopiez, min kalam, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, fil qawl al-mufid, inda hada al-bab. On finit la parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, qala, après avoir cité donc son cas, wa ta'ammada ta'atahum wa stabaha hada shirkun akbar yukhridu min al-millah. Avec cette explication, tu comprends pourquoi c'est du shirk akbar. Ça fait sortir de l'islam. Limada, il a obéi à autre qu'Allah. Et il savait. Et il s'est entêté à les suivre. Et il a rendu halal. Si tu lui poses la question, mais pourquoi il te dit, mais shirk, un tel, il a dit, oh fulan, il a dit, il pense que c'est halal. Iyadan billah, alors que c'est haram. Hada, il est ala khatarin azim. On ne parle pas dans les masa'il khilafi al-an. Ça c'est un autre sujet qu'on ne peut pas détailler. On parle dans les choses claires, wadiha. C'est pour ça qu'on a cité l'exemple de l'Kham. Amma une mas'ala fiha khilaf sa'ir, bayna a'immat as-sunna et tel shaykh il dit tel avis, un autre il dit tel avis, et anta tu penses que mathalan Cheikh Al-Albani il a raison fi hadha, et un autre il te contredit, et tu penses qu'il a khalaf Cheikh Al-Albani, donc il a khalaf le dalil, donc il kadhab le dalil. Là, c'est pas hakada. Mas'ala al-khilafiyya allati fiha al-khilafiyya sa'irun. هذا سمين باب الاجتهاد فالإنسان يبخو سو كيل بونس ات لو حق Et si les autres savants de la sunna ils ont choisi un autre qawl, bah, ce genre de masail daiman fiha fiha ma fiha, tu peux rajah telle chose, hatta ba'd ulama ahyana yarajah un qawl, ils choisissent un qawl thumma ils reviennent dessus et prennent un autre. Ça montre un al-khilaf fi hada, il est ahyana il est daqiq, c'est précis. Enfin, on n'applique pas ce genre de règle là. Un, on parle vie al-umur al-wadhiha, il rend halal al-zina, il rend halal al-khamr, il rend halal des choses haram wadhiha, hada il est ala khatar azim. قال رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا الأثر ذكره المصنف رحمه الله بالمعنى إلى سويفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Aïe, Ibn Abbas radiallahu anhu, il n'a pas dit exactement cela, on va citer ces termes mot à mot. Lakin, Cheikh al-Islam, il l'a cité bil ma'na. Ta'lamoun anna Cheikh al-Islam, rahimahullah, beaucoup de ses livres, il les écrivait min hifdhi. Enfin, il n'a pas rapporté les termes exacts d'Ibn Abbas. Lakin, le ma'na, c'est hadi. Lakin, hada, c'est mujarrad un tanbih. Fait al-Hashiya, il a cité al-Nas. قال ابن عباس رضي الله عنه ما يقول عرية أي عروة بن الزبير إلى دي ابن عباس نهى أبو بكر وعمر عن المتعة فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما يقول عرية قال يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة أي المتعة في الحج أي Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il n'était pas d'accord avec un qawl fi mut'at al-hajj. Vous connaissez peut-être le mot al-tamattu'. C'est une catégorie comment faire le hajj. Il commençait par la umrah. Il y avait un khilaf à dire le masala. Il n'était pas d'accord avec le qawl d'Abu Bakr et Umar, radiyallahu anhuma. Faqala Urwa, naha Abu Bakr wa Umar anil mut'a. Abu Bakr et Umar, ils ont déconseillé ou interdit de faire cette façon. فقال ابن عباس أراهم سيهلكون أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر. Vous avez remarqué que Cheikh l'Islam, il a dit يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. Je crains que des pierres elles tombent du ciel sur vos têtes. Et ابن عباس dans une autre riwaya حتى هذه هي ضعف في الحقيقة. Il y a une troisième, elle est أصح. في هذه قال أراهم سيهلكون أي je crains qu'ils périssent. Je leur dis قال النبي صلى الله عليه وسلم et ils disent قال أبو بكر وعمر. Et dans une autre رواية نقرأها من هذا التحقيق قال هذا الذي أهلككم والله ما أرى إلا سيعذبكم أي الله سبحانه وتعالى. فابن عباس quand واحد il lui a dit Abu Bakr et Umar, ils ont dit, alors qu'Ibn Abbas lui avait dit, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal. Wa la shak anna al-qawl as-sahih al-hujja li ma'a Ibn Abbas radiyallahu anhuma fi hadhihi al-mas'ala. Anna al-mut'a c'est afdal al-anwa', et Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a conseillé de le faire. Et de commencer par l'umra, thumma de sortir min al-ihram, thumma de faire l'hajj. Fa qala Ibn Abbas wallahi ma ura illa sayu'adhibukum. Et je crains que Allah subhanahu wa ta'ala vous châtie. إني أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. Je vous dis, قال النبي صلى الله عليه وسلم وتجئون. أي vous venez, vous rapportez les paroles. قال وتجئون بأبي بكر وعمر مع فضل الشيخين الإمامين الخليفتين. C'est les deux meilleurs hommes de cette أمة après le prophète صلى الله عليه وسلم بالإجماع. لكن الحجة passe avant. النص passe avant. قال وتجيئون بأبي بكر وعمر. هذا قال إسناده صحيح صححه الإمام مقبل ابن هادي رحمه الله في كتابه شرعية الصلاة في النعال. Il a écrit une petite risale رحمة الله عليه sur le fait de faire salat avec ses ni'al, avec ses sandales. Il a écrit que c'est une sunna et il a cité هذا الأثر رحمة الله عليه et il l'a صحح. على كل حال, vous avez remarqué que la ma'na se ressemble, lakin ce tanbih il est muhim. النص اي لي مو اكزاكت ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكر هنا ce qu'on vient de lire ensemble. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى مناسبة ذكره في الباب أنه يدل على تحريم طاعة العلماء والأمراء فيما يخالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهما موجبة للعقوبة أنه سحرام de délaisser un texte من الكتاب أو من السنة et de suivre la parole d'un autre même s'il a un fadl عظيم. Et tu as un exemple طيب هنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سأفضل هذه الأمة après le prophète sallallahu alayhi wa sallam bien sûr. Et Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a réagi de cette manière pour montrer l'importance de revenir à la preuve. لماذا لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما مع فضلهما إلى آخره ils sont pas معصوم وهذا من باب الاجتهاد وهم لا يخالفون النص بالرأي أو بالهوى عيدا بالله أبدا. C'est ils font partie de Ben, c'est afdal al-sahaba, mubasharin bil-jannah. C'est les deux califes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakin, qad yahsul hada min bab al-ijtihad. Falihada, qala al-shaykh al-fawzan, hafidhahu Allah ta'ala, fi i'anat al-mustafid, wa hada mimma yadul ala wujub ihtiram sunnat al-rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, respecter sunnat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. En respectant, bien sûr, fi hada al-hal, Abu Bakr et Umar, ça enlève rien. Ça diminue en rien min fadlihim. Là, c'est des êtres humains. Lakin, le respect de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de ne pas faire passer la parole d'un autre. Si c'est un savant de la sunna, min babi awla, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le respecte, on l'aime, lakin, on revient au hadith. Comme Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il a fait. Est-ce que Ibn Abbas, il a manqué de respect envers Abu Bakr et Omar, ma'oudu billah? Abadan. Et personne n'a dit hada min a'immat al-islam. لكن احترام السنة مهم. قال وأنها هي المنتهى بعد كتاب الله عز وجل وأنه إذا حصل اجتهاد من المجتهدين يجب عرضه على كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيان إمام حتى هنا نحن اكزامبل avec أبو بكر عمر الصحابي إذا اجتهد اجتهاده يخالف النص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أبليجي دو بخانس سنة النبي صلى الله عليه وسلم et bien sûr العالم من باب أولى الصحابي لا عذر et باب الاجتهاد المعروف الصحابة رضي الله عنهم يختلفوا dans certaines مسائل في الفقه هذا لا شك فيه celui qui a étudié le fiqh يعلم هذا et الحق لواحد سنة النبي صلى الله عليه وسلم dans une chose c'était كذا tu trouves مثلا عبد الله بن مزعود رضي الله عنه إلى قول ابن عمر رضي الله عنهما إلى نطقوا لا شك أن الحق واحد ففي هذا الحال غمي الحجة يمبخون قول الصحابي كي كونكورد avec الحجة et l'autre صحابي on lui trouve des excuses et là chaque il a des excuses et العصمة c'est للرسل عليهم الصلاة والسلام. قال فما قام عليه الدليل أخذناه وما خالف الدليل تركناه وإن كان قائله من أفضل الناس كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فضلا عن غيرهما. On prend le dalil même si en prenant le dalil on va délaisser la parole d'un fadil. On a l'exemple هنا avec Abu Bakr et Umar رضي الله عنهما. Est-ce que ça montre qu'on respecte pas? أبدا. لأن في الحقيقة si واحد dit là il faut prendre la parole de هنا de Abu Bakr ou Umar رضي الله عنهما. فسنقول له اي الحديث بروفيت صلى الله عليه وسلم كيف نفعل لو دلس فلا امرنا باتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم فقم على السنه خاصه que si tu suis la sunna tu auras forcément un compagnon لا بد مثلا هنا si tu suis la sunna tu as suivi la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم et tu as l'avis de ibn abbas un compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم et d'autres bien sûr qui ont choisi l'avis de ان المتعه في الحج المشروعه. قال وإن كان قائله من أفضل الناس انتهى. قال شيخ العثيمين رحمه الله وبعض الناس يرتكب خطأ فاحشا إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكن في الكتاب الفلاني كذا وكذا. إساس المصيبة بعض الناس خاصة أنا أتخبك الآن يفون بس ستي كلام صحابي لأنهم يسوا على الجهل يكونس با مذهب منهج الصحابة رضي الله عنهم يفون بس ستي كلام دان إمام Et même si c'est kalam al-sahabi ou kalam un imam, si ça khalif sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam et la parole des autres compagnons et des autres savants de l'islam, on est obligé de revenir au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Khal Shaykh Ibn Adaymin, j'ai lu dans tel kitab, Wallahi ba'dhum, ils ne sont même pas capables de citer l'auteur. Wa ashaddu min hadha ba'dhum, ils disent lakin j'ai vu à la télé Foulan qui a dit. Et alors que Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle lui est citée. Ah là, c'est très très grave. Ça montre qu'il y a un manque fi ta'zim Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. بعض الناس يزن تلمو يسون اكرتي من هذا المنهج العظيم كأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى دان كوتي إيه أن أدخل لان كوتي إيه يزيد بل بعضهم يزيد من بلو يزيد لكن فلان إلى دي vous avez remarqué que Cheikh Ibn Uthaymeen il a pas remis en question la parole de فلان et après si فلان il a dit le النبي صلى الله عليه وسلم il a dit dès que le prophète صلى الله عليه وسلم il a fini il a parlé انتهى كل شيء c'est fini الحكم c'est حكمه عليه الصلاة والسلام قال فعليه أن يتقي الله الذي قال في كتابه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين تأملوا هذه الآية pourquoi je suis en train de vous citer لأن يوم القيامة أخي الكريم tu seras interrogé sur اتباع النبي صلى الله عليه وسلم pas sur un autre tu seras jamais questionné يوم القيامة pourquoi t'as pas suivi الشيخ un tel ou فلان Oh, pourquoi tu n'as pas appliqué ce qu'il y a dans tel livre ? Tu seras interrogé sur est-ce que tu as suivi le prophète alayhi salatu wasalam. Sa sunna. Amma ta'at alim qui suit sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est tiba'a sunna, le savant faqat, il te montre. Lakin délaisser sunnat Nabi sallallahu alayhi wa sallam et suivre un autre, fa bi ayy hujja. Ça nous montre anna celui qui pense à yawm al-qiyamah, il délaissera aqwal al-nas et il reviendra à sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et on répète, si tu suis sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu trouveras des savants de l'islam qui t'ont précédé, tu trouveras les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui t'ont précédé. S'il y a une divergence entre les compagnons, l'insan il fait tout pour suivre les compagnons qui avaient al-hujja. Il y en a l'irtilaf, c'est arrivé baynahum radiyallahu anhum. قال الشيخ ابن عثيمين ولم يقل ماذا أجبتم فلانا وفلانا في الآية الله سبحانه وتعالى يتدمندغا jamais pourquoi tu n'as pas suivi un tel là suis sunnat النبي صلى الله عليه وسلم suis أهل العلم et ton suivi des savants c'est par rapport à la preuve pas par rapport au nombre ou تعصب عيادا بالله ou parce qu'il vient de tel pays là لأنه إلى الحق et tu verras que alhamdulillah tu seras في الراحة في راحة في الدنيا et inshallah في الآخرة ثم إلى الستة قول أحمد قال وقال أحمد بن حنبل رحمه الله عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال أتدري ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك وفي نسخة فيهلك والله المستعان فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كبخن قاعد ceux qui suivent pas النبي صلى الله عليه وسلم يخالف عن أمره أن تصيبهم فتنة qui soit touché par une فتنة أو عذاب أو يصيبهم عذاب أليم شيخ الإسلام إلى cité هذا الكلام avec ce verset pour montrer la gravité de délaisser sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. L'insan il n'a pas le choix. Celui qui délaisse sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on parle fi din, dans une adoration ou tout ce qui est lié au din, il est à la khatar. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le droit de suivre un autre que le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Si on suit un autre, c'est parce qu'il a un délit. Imma min kalamillah. إما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص مناسبة ذكر ذلك في الباب التحذير من تقليد العلماء من غير دليل وترك العمل بالكتاب والسنة وأن ذلك شرك في الطاعة أي délaisser les preuves du Coran et de la Sunna et suivre des hommes que ce soit علماء ou autre là c'est très très grand خاصة celui qui sait خاصة celui qui a le qudra Amma al-jahil qui ne sait pas et il suit, khasatan s'il suit les savants de la sunnah, alhamdulillah, il sera à la khayr. Ma'ahada, il demande. Et s'il est conseillé parce qu'il suit une erreur, enfin, il revient. Amma celui qui a le qudra, il comprend, il peut demander, il peut rechercher. Voilà, chakanahu la yajouzu lahu at-taqlid. قال الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون أمر من الله اتبعوا ما أنزل إليكم. Si on se pose la question, c'est quoi que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à son prophète sallam? Al Quran wa Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala amra bil ittiba, pas autre. قال عز وجل ولا تتبعوا من دونه أولياء, ne suis pas autre. ثم قال عز وجل قليلا ما تذكرون, صحيح كثير من الناس يزوبلي et ils sont في غفلة في هذا et ils cherchent la facilité alors que la facilité في الحقيقة c'est في اتباع القرآن والسنة لكن c'est من الشيطان il essaie d'égarer الأكثر. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله, ne fait rien passer avant sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi dinillah. La tuqaddimu. Ta'ammal hadha al-lafz. Ça vient de taqdim, et faire passer une parole avant la parole du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Qala azza wa jal, wattaqu Allah. Craignez Allah. C'est très très grave hadha. Wa qala azza wa jal, à la fin du verset, inna Allah sami'un alim. Et ta'ammal, en le verset, il a été conclu avec hadha al-ism al-azim al-alim. Allah, il sait tout. Enfin, celui qui veut suivre un tel pour prouver qu'il est à la haq ou pour contredire un tel où il est entêté, il est conseillé et il veut faire croire aux autres qu'il est à la ilm, à la haq alors que c'est un muqallid, Allah il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Si tu sens que dans ton cœur tu manques de sincérité ou tu as suivi un tel aveuglément alors que le haq il est avec un autre, ittaqillah, certain si le dalil il est devant tes yeux, sous tes yeux, qala azza wa jal wattaqullah. Inna Allah sami'un 'alim. Allah il entend et il voit tout. Azza wa jall. Wa l'imam al-Shafi'i rahimahullah, comme fi i'lam al-waqi'in ibn al-Qayyim rahimahullah, il a rapporté l'ijma'. Qala ajma'a al-ulama anna man istabanat lahu sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam aw sunnat ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, qala huna lam yakun lahu an yad'aha li qawli ahad. Ijma' al-ulama, l'unanimité, anna si dans une mas'ala ou qu'il y a divergence, la preuve, elle t'est parvenue. Min sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. T'as pas le droit de la délaisser pour suivre un autre qawm. Ça nous montre un hadha ad-din, c'est pas une chose qu'on teste. Aïe, un jour je vais prendre ce qawm, un autre jour hadha. Wa'adhum kanahum yigout. La yajouz hadha. Hadha ad-din, c'est une aqida et itiba' et être convaincu. فمن استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتوى لا سوى. Même si خالف un tel, même si خالف ses parents, même si خالف son cher, même si خالف des amis, même si خالف من خالف, il est obligé de suivre سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع. وعن ابن القاسم, il fait partie des grands élèves de l'imam Malik, il rapporte عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال كما في جامع بين العلم وفضله ليس كلما قال رجل قولا يتبع عليه. هذا كذلك تستفيد من هذه الأقوال دي فوائد عظيمة. أن c'est pas à chaque fois que quelqu'un dit une chose qu'on doit le suivre, même s'il fait partie de أهل الفضل, même si c'est ton cher, même si c'est أعلم من في الأرض. مثلا c'est pas à chaque fois que شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, et il a un فضل عظيم, علم غزير, شيخ الإسلام رحمه الله, c'est pas à chaque fois que dans une مسألة on a l'avis de Cheikh l'Islam, anna forcément on doit suivre là. Idha tabayyana anna al-haq il est avec un autre, mathalan une mas'ala khilafiyya, et al-haq il est avec un autre, on prend le qawl de l'autre et on respecte Cheikh l'Islam. C'est ça, manhaj al-salaf. Wa qala al-imam al-shatibi rahimahullah kama fi al-i'tisam fal-hasil, il a beaucoup parlé de cette mas'ala et à la fin il a résumé, qala fal-hasil mimma taqaddam أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلل. تأملوا هذا الكلام. فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال أي revenir à un tel من الناس من غير التفات إلى كونهم وسائل, en oubliant que ce cheikh, ce savant, cet imam, c'est une wasila, et c'est un moyen pour t'aider de suivre la preuve. Donc, al-ulama, c'est une wasila pour le haq, c'est pas eux, le haq eux-mêmes. La preuve, c'est qu'ils peuvent se tromper, ils peuvent s'égarer. Non, on n'est pas ma'soum, que ce soit le savant ou autre. Al-hayy la tu'man alayhi al-fitna, tant qu'il est vivant. Hatta al-kufr, on n'est pas à l'abri. Hatta les savants de l'islam, ils ne sont pas à l'abri. Falihada, on doit les prendre en tant que wasila. Qala ila kawnihim wasa'il lil-hukm al-shar'i. Hey, c'est un moyen pour qu'on sache al-hukm. Mathalan, on a une mas'ala et on cherche kalam Cheikh Ibn Baz. Qablahu, on cherche kalam Cheikh al-Islam Taymiyyah. On cherche kalam al-a'imma al-arba'a. On cherche kalam a'imma al-salaf ila akhri pour savoir al-hukm. C'est une wasila. Si on dépasse les limites et on pense que le qawl de ce shir, c'est lui-même la preuve, et mathalan, wahad, il nous montre un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam et on le rejette, hada, c'est très très grave. فلهذا قال وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلال. Ça, c'est de l'égarement. C'est exactement ce qu'ils ont fait. الضلال من الفرق. Ils ont délaissé sunnah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour suivre qui? الروافد, pour suivre des anadiqa. Al-Khawarij, pour suivre leurs imams. Al-Mu'tazila, pour suivre ilm al-Kalam, ou ce qui prétend la raison ila akhri. Al-Ash'ira, pour suivre kadalik ilm al-Kalam. Et chaque innovateur, il s'est égaré min hadha al-bab. On doit faire attention et on n'est pas à l'abri. Qala rahimahullah, wa la tawfiq illa billah. Et ça, c'est muhim. Tout ça, c'est min tawfiq illa. Wa lihadha al-insan, il demande al-tawfiq min Allah. Ne crois pas que tu es à l'abri. Khassatan, cette époque de fitan. لا تظن هذا لا الحي لا تؤمن عليه الفتنة tant qu'on est vivant. فنسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والعبادة, ça joue un rôle énorme, والإخلاص et التضرع إلى الله سبحانه وتعالى, faire beaucoup de dua حتى الإنسان يسلم et demande الله سبحانه وتعالى أن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعا. هذا c'est مهم. قال ولا توفيق إلا بالله وإن الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره. Il a conclu أن الحجة القاطعة est la preuve qui va trancher quand il y a un khilaf. والحكم الأعلى أي الحكم c'est celui qui va décider est-ce que c'est sunna أم لا, est-ce que c'est حق أم لا, هو الشرع c'est الشرع أي القرآن والسنة. أي وحي من الله سبحانه وتعالى. قال لا غيره. C'est pas le nombre qui va trancher ce que c'est haq. C'est pas shir un tel parce que c'est shir un tel forcément il a haq. C'est pas tel pays ils habitent dans tel pays donc ils ont haq. Une autre contrée ils sont forcément à la batil. Là, al-hujja c'est kitab ou sunnah. قال لا غير. انتهى كلامه رحمه الله. يستفاد من هذا الكلام القوي أن الناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام. Quand tu lis كلام أهل العلم في التقليد et le كلام qu'on a lu من قبل que ce soit Cheikh Al-Utaymin, Cheikh Al-Fawzan, كثير من العلماء, كلام الإمام الشاطبي في الاعتصام, كلام Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dans beaucoup de ses livres, quand tu lis toutes ces مسائل par rapport au التقليد, tu peux les résumer en trois catégories. La première, ناس جعلوا هذه الوسيلة كالإمام الشاطبي لا سيتي أي قول العالم. الوسيلة هنا c'est le savant qui nous aide à connaître la vérité. وبعضهم cette وسيلة أي le قول de ce savant, أو ça peut être son livre أو un audio, المهم ce qui vient du savant بمنزلة النص, وهذا c'est خطير. Ils ont mis la parole du savant au niveau des textes. فيقلدون تقليدا أعمى ويتعصبون. Si tu rejettes ou tu ne prends pas le kalam de ce shir, فكأنك tu as rejeté le kitab wa sunna, et ربما tu es taxé, accusé de munharif, de dal ila akhir. Ça c'est le premier qism, ils ont exagéré fi hada al-bab, ay cette wasila, cet intermédiaire, ce savant, ils ont exagéré, ils l'ont élevé au niveau du prophète alayhi salatu wassalam. Hada c'est de l'égarement. Et le fruit de cet égarement, ça sera at-taqlid wa at-ta'assub adh-dhamim. Et l'entêtement, même si tu lui montres, matalan, il a choisi la vie de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Robama, tu lui cites une parole de l'imam Ahmed, une parole de l'imam Malik, une parole de l'imam Soufiane, une parole de, à notre époque, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, avec des adillah, il y a ta'assub. pour lui, c'est forcément le haq. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, nasun taraku hadhihi al-wasila al-muhimma wa ahmaluha. Deuxième extrême, c'est l'opposé du premier cas. Anahum, ils ont délaissé complètement. Ils prétendent, Anahum, ils veulent revenir au texte seul. Et ils délaissent aqwal ahl al-ilm. Ils n'étudient plus un ahl al-ilm, ils ne reviennent pas à leur cours, ils ne leur posent pas les questions, et l'akhiré. Fahaoula n'harafu. Wazallu. Pourquoi? Les Anahum, ils ont pensé qu'ils pouvaient faire seul. Fanharafu bisabab jahlihim. Naam. Et ba'dhum, ils ont instauré à cause de cette ignorance des qawa'id. Et celui qui fait telle chose, la telle chose, celui qui ne fait pas telle chose. Et si tu viens à vérifier fi kalam salaf, tu ne trouves pas min hadha al-kalam. Fa'a'ula, ils ont ouvert un bab d'égarement. Wa khalafu manhaj al-salaf. Qala azza wa jal, fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Revenir aux savants de l'islam, c'est muhim. Al-ulama, warathatu al-anbiya. Donc vous avez vu, le premier cas, c'est un extrême, ils ont exagéré fil wasila. Et dans la parole du savant. Deuxième cas, ils ont délaissé complètement هذه الوسيلة المهمة النافعة. Troisième cas, ناس أخذوا بهذه الوسيلة النافعة. أي الرجوع إلى أهل العلم. Ils reviennent au savant de l'islam. وعظموا نصوص القرآن والسنة وجعلوها هي الأساس. أي ils ont pris les textes du Coran et la Sunna et pour eux c'est ça la base. Et la parole du savant, si elle est en concordance, si elle explique le texte, il a akhir, alhamdulillah. Si elle contredit le texte, voilà. Comme a dit Ibn Abbas, « Aqulu lakum qala Rasulullah sallam, wa taquloun qala Abu Bakr wa Umar, fama wafaqa al-wahi akhadhu bih, wa ma khalafa an-nas tarakuh. » Ce qui est en concordance avec les textes, ils le prennent. Ce qui est pas en concordance avec les textes, tarakuh. Bien sûr, مع احترامهم لعلماء السنة وأئمة الملة. Et هؤلاء, ils respectent les savants. لماذا? لأنهم, ils ont fait un effort. وعلم أن si tu suis le haq, forcément des savants ils t'ont précédé. فلهذا, on fait attention aux deux extrêmes précédents. On fait attention à التقليد والتعصب. Et ne plus faire d'effort. Et les savants, ils ont dit, بعضهم, vous avez remarqué, ils disent, les savants, ils ont dit, في الحقيقة, c'est pas les savants qu'on dit, c'est un ou deux, il y a un khilaf. Il faut voir c'est qui a le haq. Fabardoum, Rubama, avec les savants, ils font plus d'efforts. Et yuqallidoum, même si un autre savant de la sunna, il cite une autre mas'ala, fahoum yata'assaboum les foulan ou foulan. On fait attention kadalik au deuxième extrême, anahoum, ils prétendent ne pas faire de taqlid. Anah, je qallid pas, yaqouloun. Et ils ont des agissements, ils font des choses. Et ils ont des aqwal. Quand tu leur demandes, من قال هذا? من سبقكم بهذا? لأن العلم ولله الحمد انتشر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فما من حق, il était présent avant nous. فسي واحد يبخطان شوز ثم خاصة des قواعد, des règles. Et on regarde avant et on ne trouve pas هذا كلام. لا, لا يجوز. Obligé de revenir à أهل العلم. فالعلم نحن à notre époque on doit prendre العلم عند العلماء والعلماء علماء العصر, les savants de notre époque ils ont pris العلم auprès de leurs savants et leurs savants ils ont pris auprès de leurs savants jusqu'à ça remonte aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam wa sahaba radiyallahu anhum, ils ont pris du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam directement et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nazala alayhi al-wahi, c'est ça tariq al-huda et c'est ça manhaj al-salam. Amma wahad, il dit des choses, ثم il dit لكن il y a un dalil. Khassatan, on parle des masail ghariba importantes, il dit un qawl et on regarde, on demande au savant, personne ne connaît hadal qawl. Hada, il a ouvert un porte, une porte d'égarement à yadam billah. Fa al-hadar, al-hadar. Wa li mazid al-fa'ida, celui qui veut des fawa'id akthar fi hadal bab al-azim al-ittiba' wa al-taqlid ila akhirih, fa kitab al-i'tisam li l'imam Shatibi rahimahullah. Lakin, ce livre, il faut un certain niveau en arabe. Il faut avoir compris certaines choses. Hatta l'insan yastafid. Lakin, à notre niveau, on cite ces références. Celui qui ne peut pas, au moins, il connaît la référence. Et ça le motive à faire des efforts dans la langue arabe, dans l'ilm. Khassatan ulum al-ala, dans la langue arabe, dans le nahou, dans le sorf, dans l'ilm al-usul, dans l'ilm al-qawa'id, dans le mustalah. il a akhiré. Hatta un jour, bi'idnillah, tu arriveras à lire ce livre et le comprendre, et Rubama à propager les fawa'id. Si certains ils ont réussi, fadlullah, il est wasi'. Na'am. Kadhalik, kutub al-salaf, ka al-shari'a l'imam al-ajuri, wal-ibana l'ibn Batta, wa sharh sunna l'imam al-lalaka'i. Ça, c'est des usul qui montrent hadha al-manhaj et l'importance de l'ittiba'. Kadhalik, kutub al-imam ibn Taymiyyah, rahimahullah, et son élève, l'imam ibn al-Qayyim, alayhim rahmatullah, jami'an. On conclut hadha al-bab. Non, on n'a pas fini, on lit le dernier. Hadith, qala wa an adi ibn Hatim. أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار جمع حبر. علماء اليهود يطلق كثيرا على علماء اليهود. الأحبار c'est ceux qui ont, ils avaient du علم. ورهبانهم جمع رهبان. عباد النصارى. فالأحبار الذين كانوا يعتنون بالعلم والرهبان الذين كانوا يعتنون بالعبادة. فقال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم أي علماءهم ورهبانهم أي عبادهم أربابا من دون الله. الأرباب أي جمع رب. C'est le pluriel de رب. Et هنا المقصود في العبادة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت له أي الراوي نعم أي عدي بن حاتم quand il a entendu النبي صلى الله عليه وسلم réciter ce verset فقلت له إن لسنا نعبدهم. Vous avez remarqué, il a compris من الآية أنهم ils adorent, ils adorent leurs savants et leurs adorateurs. Ça nous montre أن ils comprenaient la langue arabe, ils ont compris من قوله أربابا أن الرب هو الذي يستحق العبادة. Contrairement à بعض الجهال الآن, ils pensent أن الإسلام c'est reconnaître Allah comme رب ويشركون ليلا ونهارا. هؤلاء ليسوا باكم في الإسلام. الرب سي المعبود عز وجل. فلهذا قال لسنا نعبدهم اون لي زادور با. قال صلى الله عليه وسلم أليس تحرمون ما أحل الله فتحرمونه وتحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت بلى. سا مونتخ هذا أن ميم افون الإسلام عادي إلى صادق. Il n'a pas dit là. Quand il a entendu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, on les suit quand ils interdisent une chose halal ou ils rendent une chose halal haram, on les suit. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم رواه أحمد والترمذي وحسنه. أما قوله رواه أحمد هذا وهم من المصنف رحمه الله. الحديث لم يخرجه الإمام أحمد. الحديث لا بايت رابورتي بار الإمام أحمد رحمه الله. فهذا وهم يحصل. أي c'est une erreur et ça arrive. Annahu il a cité l'imam Ahmed et l'imam Ahmed il a pas cité هذا. والحديث نعم ضعفه البعض لأن في سنده غطيف ابن كأنه أعين الشيباني للضعيف وبعض العلماء حسنوه avec des autres آثار كما فعل الإمام الألباني رحمة الله عليه. قال شيخ الفوزان حفظه الله أن الطاعة أن طاعة المخلوق في معصية الله عبادة له من دون الله لا سيما في تشريع الأحكام وسن القوانين المخالفة لحكم الله. أي نعم أن معصية الله suivre un autre خاصة في comme on a expliqué في التحريم والتحليل فهذا من العبادة. فلهذا العلماء يدسك من الشرك الطاعة وتقدم التفصيل. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله في إعانة المستفيد أما لبخمي كلام ستمن الملخص دل هذا على أن طاعة الأحبار والرهبان في تحريم الحلال وتحليل الحرام عبادة لهم ويعتبر هذا من الشرك من شرك الطاعة لأن التحليل والتحريم حق لله سبحانه كما تقدم. التحليل والتحريم من حق الله عز وجل وحده. مساج صلى الله عليه وسلم كذلك il est appuyé par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. أما بشر كائنا من كان من سلا دعو من سلا فضل فلا يجوز يحلل ويحرم. Tout ça c'est من حق الله. فسكي حرام في كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم c'est حرام. سكي حلال c'est حلال. أما واحد qui contredit هذا فلا يجوز له. قال فليست العبادة قاصرة على السجود والركوع والدعاء والذبح والنذر وغير ذلك مما يفعله الوثنيون، بل هي شاملة لكل ما هو من حق الله، ومن ذلك التحليل والتحريم. انتهى بتصرف يسير باختصار، أي أن البعض يظن أن العبادة هي الصلاة والصيام والحج والذبح إلى آخره، alors que العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كما تقدم. التحليل والتحريم الطاعة في ذلك من العبادة. فأدغي أدخل الله سبحانه وتعالى ونصفه ونطفه في التحليل والتحريم من الشرك. هذا الباب إلي مهم فراجعه، خاصة بك التفصيل في الحكم، ونسأل الله لنا ولكم الثبات والتوفيق، والحمد لله.